visages ont des visages. Les libertés c'est des carcasses. Avec le temps tout s'efface. Les erreurs, les fautes de coups. Les menteurs, les menteurs jusqu'au bout. Les salauds, les héros et les races. La mémoire collective. Les bourreaux qui soupirent. Nouvel ordre mondial. Nouvelle. Voilà, c'est bon. J'ai pas trop de temps encore pour que je m'en aille. Premier accord. Après le la, sol. C'est un sol, non? Non, do, oui, do. Ouais. 1, 2, 3, 4. Prochain. La nouvelle. Non, mais je suis pas sur la neige, faut que j'y aille. Faut que je sorte de l'ordinateur. Bon, attends, allez, je reste un tout petit coup. Allez, un morceau. Ou on retourne sur l'autre serveur. Comme tu veux. Et laisse-moi aller où je veux. Où je veux. Prenez un enfant.